Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. Après une semaine passée au Motocultor Festival en compagnie de la Ferrarock pour de nombreuses interviews que vous retrouverez dans les prochaines émissions, nous commençons le programme avec Freak Kitchen et ce morceau Gun God, extrait de l'album Dead Soul Man, paru au tout début des années 2000, que le trio suédois, emmené par Mathias Eklund, nous fait des petites merveilles. Donc il s'est noté qu'il s'agit du dernier album sur lequel on retrouve le trio d'origine de Freak Kitchen avant que la formation retrouve le line-up actuel qui est en vogue depuis maintenant 22 ans. Gun God, excellent morceau de Freak Kitchen pour débuter Overdrive et reprendre maintenant le cours des directs toutes les semaines. Donc de nombreuses interviews dans les prochaines semaines réalisées sur différents festivals comme le Plein Air Fest sur lequel on a eu la chance d'avoir le groupe Carpenter Brut en interview. Ce sera diffusé aujourd'hui même. Et dans les prochaines semaines, vous retrouverez de super groupes Steven Seagulls, vous retrouverez Wardruna, vous retrouverez également Die Off, sur lequel on retrouve David Ellefson, on retrouvera également Biohazard et une superbe interview de Billy Bio et également de Evan Sinfield. Mais pour l'heure, on s'envoie un morceau extrait du dernier album de Extreme, ça s'appelle Hashtag Rebel. Et c'est bien sûr sur Overdrive, Radio Dio. Yeah. vraiment, vraiment, sur ce dernier album de Extreme New, No Bettencourt fait des merveilles. C'était hashtag Rebel, extrait de cet album Six, un album qui a fait pas mal parler de lui, et on souligne encore une fois le talent de guitariste de Nuno Bettencourt, ici, qui nous assème un excellent solo de guitare. The Jams, maintenant, il s'agit du nouveau projet des anciennes Thunder Mover, qui nous sortent leur premier single. Ça voit le jour sur Napalm Records. On envoie ça tout de suite avec Like a Phoenix pour un bon titre de rock'n'roll bien envoyé, et ce sera encore une fois sur Overdrive Radio Duo que ça se passe. Let's light it up. Oh, I'm flying. far. Yes, the arrival. This is no wild attack from Mars. Yeah, it's the arrival. What side of lightning from the stars? It's the arrival and the beast that coming from afar. It's the arrival. This is the wild attack from Mars. The ancient ones are coming back. And now what they are claiming. Yes, vous venez d'entendre Hell in the Club sur le label Frontiers Records avec ce morceau The Arrival, extrait de l'album Few Bar, du bon hard rock heavy metal mélodique dans la veine d'un Eclipse, dans la veine d'un Heat et de toute cette vague de groupes qui ont un son 80s mais avec une production relativement moderne et bombastique dans l'esprit. On va revenir maintenant à quelqu'un là aussi que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Danko Jones. Danko Jones qui nous sortira son dernier album, son prochain album Electric Sounds sur AFM Records le 15 septembre prochain. Donc toujours une régularité de Stakhanovist au niveau des sorties. Donc le trio canadien nous avait sorti cet album Power Trio il y a de ça un an et demi et nous remettre le couvert avec cette Electric Sounds qui voit le jour dans un mois. L'occasion de s'envoyer le morceau Good Times tout simplement pour célébrer les bons moments que l'on peut passer tous ensemble l'été. Good Times par Danko Jones. One. Trio parisien Sorm Orchestra maintenant dans Overdrive Radio Duo avec ce Wait a Minute extrait de cet album What a Time to Be Alive pour les amateurs de musique alternative. Bien entendu, on retrouve un petit côté électro, une certaine recherche sonore également, vraiment superbe, bon et super bien produit. Je trouve le son particulièrement massif sur cet album de Sorm Orchestra, What a Time to Be Alive. Vous venez d'entendre, encore une fois, Wait a Minute. Donc ça a été annoncé en début d'émission sur la scène du Plein Air Fest. Ce début d'été, en début juillet, vous aviez Carpenter Brut en interview dans Overdrive. Maintenant qu'on va la diffuser. Donc Carpenter Brut, un excellent... nous a offert un excellent show très visuel en conclusion de ce Plein Air Fest. Et on s'enchaînera tout de suite avec le maintenant classique du groupe. Ça s'appellera Turbo Killer. Ce sera encore une fois dans Overdrive Radio Duo. Il est maintenant 22h. Alors, salut Carpenter. Content de vous retrouver pour ce Plein Air Fest. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci beaucoup. Eh ben, écoute, content de vous avoir en tout cas du côté de Overdrive Radio Duo, pas très loin de l'aéroport Saint-Exupéry. À mon avis, ce soir, on va s'envoyer au 7e ciel. Vous étiez également présent au Hellfest. Il y a de ça quelques petites semaines, avec une très grosse programmation qui était l'occasion rêvée d'avoir des invités sur scène, quelque chose que vous avez fait déjà beaucoup en studio. Donc, est-ce que tu pourrais revenir dessus? Comment ça s'est fait et comment ça s'est passé lors de cet événement? La plus grosse difficulté, c'était d'avoir un maximum de guests au même moment, au même endroit, puisque en fait ça vient un peu de tous les pays, entre guillemets. Il y en avait deux en France, un en Finlande, un aux États-Unis, un en Angleterre. Et du coup, en fait, le deal qu'on avait avec Ben Barbeau, c'est qu'il disait ça serait bien quand même que vous puissiez avoir des guests au moins Pucciato, puisqu'il jouait la veille au Hellfest. Donc je sais pas, ça, je pense que c'est jouable, mais je dis, on va pas s'arrêter là, on va essayer d'avoir les autres. Et il y en a même un qui venait de Suède, puisque c'était le chanteur de Tribulation. Et donc du coup, bah, ça a été quand même pas mal de mise en place, de il est où, il fait quoi, il vient plus, il sera à l'heure. Donc voilà, c'était marrant d'ailleurs parce qu'il y a Pucciato et Matt qui n'avaient pas pu faire de balance. Donc ils les ont faites pendant que nous on jouait les autres morceaux, enfin, c'était tout un chantier. Mais au final ça s'est plutôt bien passé, enfin, ça s'est même très bien passé en fait. Et on est sorti de scène un peu bizarre, quoi, parce que en fait on s'est retrouvé quand même sur un truc assez énorme avec beaucoup de gens, et donc en fait même si c'est les mêmes morceaux que d'habitude, c'est pas les mêmes conditions, tu vois, les éclairages ils éclairaient tellement qu'on a l'impression que c'est en plein jour, enfin on n'a pas l'habitude de ça, donc on est sorti un petit peu de sa zone de confort, quoi. Voilà, complètement, ouais, là c'est que, puis en plus bon bah il y a des gens évidemment qui se demandent ce qu'on fout là, donc tu te sens un peu obligé de leur mettre une petite claque, tu sais, pour leur dire bon, on a aussi notre place. Donc c'était un espèce de mélange de plein de trucs, on est sorti un peu chelou, puis en fait quand on a regardé le truc sur Arte, on s'est dit que finalement c'était pas si pire, mais puis bon, bah, les gens globalement ont aimé, hein, mais c'était toujours un peu plus, on est toujours son pire ennemi, ouais, donc ouais. Du coup voilà, donc c'est quand même positif, hein, globalement, mais je t'avoue que c'était assez étrange en fait. Assez étrange, ouais, ouais. La différence, c'est que Carpenter, très souvent, sur scène en tout cas, c'est quand même bon, beaucoup de programmation, de choses qui sont diffusées sur les écrans, des choses comme ça. Et la présence d'un frontman, ça vient chambouler un petit peu les habitudes que vous pouviez avoir sur scène. Ouais, c'est pas faux, parce que c'est vrai que d'habitude, toutes les voix, elles sont enregistrées, parce qu'évidemment, on peut pas avoir tout le monde tout le temps. Quand tu fais 80 dates dans l'année, c'est impossible d'avoir les 6. Donc on est habitué à ça, on est habitué à entendre les voix sur les bandes. Et quand tu les as en vrai, bon, je sais que j'avais un espèce d'équilibre entre les vraies voix et puis les voix avec lesquelles je suis habitué à jouer. Pour pas, parce que si jamais en fait, le chanteur il commence à partir en live, c'est n'importe quoi. Pour pas être trop, pour pas me sortir de mes habitudes, quoi. Donc, et puis aussi du coup, quand ils sont pas là, c'est un peu toi que les gens regardent. Quand ils sont là, ils te regardent plus, donc tu te dis, bon, alors moi je me mets un portrait, mais je fais quoi? Je continue à faire le con, ou c'est pas la peine, ou. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est amené à se reproduire souvent, donc c'est pas trop grave, quoi. Et justement, ça m'amène sur ma nouvelle question. Ma prochaine question, avez-vous déjà envisagé un chanteur permanent, ne serait-ce que pour les concerts? Ou alors l'ADN de Carpenter, c'est ce que vous avez jusqu'à présent? Non, alors honnêtement, je me pose pas la question d'un nouveau chanteur, parce que en fait, je vais partir du même principe que Chemical Brothers ou Justice. C'est des groupes qui ont fait des morceaux avec plein de chanteurs, et les mecs sont jamais là sur scène. C'est vraiment, en fait, si tu veux, j'entends beaucoup parler vraiment par les métalleux qui, eux, sont habitués à avoir des gars qui jouent, qui chantent. Nous, des fois, on est obligé aussi de se bagarrer un peu pour prouver qu'on joue pas en playback non plus, tu vois. Parce que, en fait, pour les gens, c'est la batterie, c'est pas une vraie batterie. C'est le truc, ce que je te dis, c'est vrai. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas une vraie batterie. Le gratteux, il est pas branché, c'est du playback. Il y a des bandes. Alors, évidemment qu'il y a des bandes, on peut pas tout jouer non plus. Mais, dans la tête des gens, en fait, si tu veux, enfin, surtout dans les gens du rock, c'est nul parce que le chanteur, il est pas là. Alors que dans la scène électro, les mecs on a rien à foutre, hein, je te dis tout de suite, les mecs, on est venu prendre de la zik dans la gueule, des likes dans la gueule, qu'il y a un chanteur, et en plus le chanteur, s'il est pas bien, il va venir pour un morceau, si c'est nul, bah, le morceau il est baisé, quoi. Donc des fois c'est un risque aussi que tu prends d'avoir les vrais chanteurs, donc bon. Et justement pour terminer sur cette partie, sur les, justement, les collaborations chanteurs invités, est-ce qu'il y aurait encore des chanteurs que tu rêverais d'avoir au sein de Carpenter? Rêverais, maintenant, je suis trop vieux pour rêver, mais j'irais, il y a des chanteurs que j'aurais bien voulu avoir, ouais, genre Dave Gahan, Depeche Mode, Peter Steele de Type O Negative, ouais. Mais bon, il est mort. Qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre éventuellement suite Tool, mais Leonard Cohen. Mais il aurait peut-être tendance un peu à me saouler en fait maintenant. Et puis après, bah, tu sais, ça peut se faire, j'ai pas des rêves absolus, tu vois, de chanteur. J'ai Freddie Mercury, si j'aurais bien voulu. Bah, tu vois, en fait, à chaque fois, je tape dans les. Soit c'est impossible parce qu'ils sont morts, soit c'est impossible parce qu'ils sont trop, trop connus, quoi. Mais ça, après, tu me disais un rêve en même temps. Ça rentre dans la catégorie, quoi. Ouais, en tout cas, Typo, Peter Steele, ça aurait été. Ça aurait bien collé, je pense. Ouais, faire un truc sympa. Ouais. Donc, bien sûr, Carpenter Brut, projet Dark Synthwave. Néanmoins, on sent une grande part du public métal qui adhère et qui apprécie à ce que vous faites. On vous voit, bien entendu, souvent sur des festivals métal, comme c'est le cas ce soir. Donc, la question que j'aimerais savoir, c'est souvent au niveau des compositions. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont au clavier, qui sont programmées. Néanmoins, on sent que les harmonies et que les riffs, les motifs sont des choses qu'on pourrait très bien voir dans un projet de métal, on va dire, entre guillemets, typique, générique. Ouais. Donc, comment est-ce que tu débutes tes compositions? Bah, je les débute au clavier, de toute façon, moi, je ne joue pas de guitare, je ne sais pas jouer de guitare. Ouais. Donc, ça commence toujours par un riff. Alors, ça dépend quel type de morceau je veux faire. Si je veux faire vraiment un morceau qui tabasse, je vais commencer par chercher un riff. Si je veux faire un truc un peu plus pop, je vais plutôt chercher une mélodie, en fait. Mais pour parler des morceaux les plus métalliques, ça va partir d'un riff avec un son assez gras, qui se rapprocherait peut-être d'un son de guitare, mais une guitare qui n'existe pas. Ouais, voilà. Mais en sachant que c'est que de la single note, hein, je ne fais pas d'accord. Et du coup, j'essaie de trouver une mélodie, enfin un riff, tu vois, qui sonne, en fait, tout simplement, qui n'est pas trop nul. Et puis après, je brode autour, j'enjoute des mélodies, des machins. Après, je programme la batterie, et puis. Et puis voilà, ça se construit comme ça. En fait, je pense que ça se construit pas différemment d'un groupe de métal, si tu veux, où gratteux, il va chercher un riff, tu vois, pour commencer un morceau à la guitare, quoi. Et si oui, est-ce que t'as déjà été influencé par des riffs de guitare en particulier, que tu as essayé peut-être de transposer au clavier? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui te reviennent en tête, comme ça? Je te dirais pas que j'ai essayé de reproduire des riffs, mais en tout cas j'essaie de reproduire une énergie, par exemple dans Straight Outta Hell, j'essaie de le dire bien parce que sinon c'est ridicule, j'ai un riff en fait où je me suis inspiré d'Hatebreed par exemple. Je dis tiens, j'aimerais bien placer un riff à l'Hatebreed. Alors par contre je suis pas allé écouter Hatebreed et puis essayer de refaire des riffs d'Hatebreed évidemment. Mais en tout cas, c'est quoi Hatebreed? C'est un mi-tempo, c'est un truc qui fait un peu d'aller-retour, tu vois, avec des gros accords plaqués, voilà, j'essaye de faire ça. Pour Roller Mobster, j'étais plutôt dans un délire à la Meshuggah. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Ton point de vue sur la scène purement métal, alors bien sûr, je pense que c'est de la merde. Je rigole, attendez. Ah, c'est tout la question? Sur la scène métal? En fait, moi, si tu veux, à la base, je fais Carpenter Brut parce que la scène métal, t'avais tendance un peu à me. Endormir, quoi. Ouais. Ça manquait un peu de nouveauté, j'en ai un peu marre des trucs viking metal et des groupes comme ça. Maintenant, est-ce que. Donc, t'as envie un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire, allez, on essaye de faire avancer un peu le truc. Mais la vérité, en fait, c'est que quand j'ai commencé Carpenter, l'idée était pas du tout de faire du metal, en fait. Hein. C'était de faire de l'électro. C'était pas là à me dire, tiens, je vais commencer Carpenter, comme ça je pourrais jouer Hellfest. Tu vois, si je veux faire Carpenter, parce qu'en fait j'en ai marre d'écouter du métal, j'écoute de l'électro, dans l'électro il y a des trucs qui me plaisent, mais je trouve qu'il manque ce côté métal à l'électro qui me plaît. Donc tu fais un peu le lien entre différentes influences, différents mondes, ouais, dans lesquels tu peux avoir les deux pieds. Quoi. Il se trouve qu'au final, les auditeurs, enfin les gens qui écoutent du métal, ont kiffé, pas tout ça, évidemment. Mais la plupart ont bien aimé Carpenter, plus que des gens qui écoutent de l'électro ont kiffé Carpenter. Donc c'est pour ça que fatalement, quand on dit tiens, tu veux Carpenter, bah, les mecs ils ont bah non, on s'en a rien à foutre. Puis quand tu vas voir des programmateurs de métal, ils font ah ouais, carrément. Et puis je pense que pour les gens qui sont habitués à écouter du métal, bah, ça leur fait du bien de danser. Sur un festival, ça ouais. permet une ambiance différente. Alors je finis beaucoup les soirées hein, dans les festivals. Ouais. Donc j'ai un stock de clés là, pour fermer les barrières. Tu vois, je veux dire, comment c'est important. Mais en même temps, tu vas pas me faire jouer à 15h en plein jour, ça n'aura pas de sens. Ouais. Je comprends pour les lumières et puis l'ambiance, vous voulez les développer. Quoi. Ouais, les gens à la fin, tu vois, ils savent que c'est ce soir, ils sont que c'est le dernier groupe. Il y a de grandes chances qu'ils. Alors, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grandes chances que les gens qui restent, ils ont envie de se fendre la gueule, de danser, machin, qu'ils ont peut-être pas pu forcément faire avec Alceste avant. Et c'est pas. Je critique pas Alceste, mais je veux dire, c'est pas la même musique, c'est beaucoup plus poétique et tout. Voilà. N'est-ce pas? Donc, voilà, je suis un peu l'ambianceur, quoi. Le Patrick Sébastien du métal. Alors, il y a maintenant un sujet sur lequel j'aimerais t'approcher un petit peu. Carpenter Brut est un projet, un groupe qui a à cœur, à mon sens, de cultiver un certain mysticisme. Ouais. Quelque chose que vous pouvez développer à la fois dans votre musique, dans vos ambiances, dans toute l'imagerie qu'il y a autour du groupe, dans le concept que vous développez également sur la trilogie que vous êtes en train de réaliser actuellement. Comment gérez-vous le fait de vous mettre en avant sur scène et justement de garder cette aura, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se perdre de nos jours, l'aura qu'on pouvait avoir autour des groupes. À l'époque maintenant des réseaux sociaux. Ah bah plus t'en donnes, moins tu fais rêver. C'est ça, quand moi j'étais gamin que j'écoutais, je sais pas, King Diamond, Slayer ou même tous ces groupes-là des années 80, Venom par exemple, on les imaginait dans des cercueils, et si on les avait vus à l'époque prendre des selfies et les poster sur les réseaux sociaux en compagnie de leur grand-mère, peut-être qu'on n'aurait pas eu justement cette même on va dire vision du groupe. Penses-tu que les réseaux sociaux aient tué cette aura que les groupes pouvaient avoir? Alors non, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les groupes qui se sont flingués eux-mêmes en postant. Personne les a obligés à poster ce qu'ils mangeaient, ou ce qu'ils écoutaient, ou si quand ils promenaient leur chien dans la rue en fait. C'est pas les réseaux sociaux qui les ont obligés, c'est eux qui se sont sentis obligés de le faire en disant « je vais donner de l'actu à mes fans, ils sont contents d'entrer dans mon intimité ». Mais moi c'est hors de question que tu connaisses mon intimité mon gars, je te connais pas. J'ai pas envie de, déjà, quitte à demander, en fait, si ça intéressait les gens de prendre en photo en train de bouffer, enfin, franchement. Oui. Donc, je sais pas, déjà, les gens qui jouent là-dessus ont un sérieux problème. Enfin, un sérieux problème, je sais pas si c'est sérieux, mais ils ont quand même un problème de reconnaissance, tu vois. Donc, généralement, ce que tu fais en premier, t'appelles ton père, tu vois, si ça part, si c'est... Le problème, il vient pas de là, quoi. Donc, oui, forcément, ça a tué le côté un peu... Moi, il y a un truc, par exemple, avec Ghost... franchement, j'adorais au début, tu vois. Même nous, quand on a tourné avec eux, en fait, au début, on s'est dit putain, c'est qui, c'est eux, tu crois que c'est eux, en fait, sans les masques, tu sais pas. J'adorais ça. Après, l'histoire du procès, ça a tout foutu en l'air. Après, il est passé à la télé, et puis maintenant, on sait quelle gueule il a. Et en fait, Ghost, c'est juste. J'adore toujours le groupe, mais je trouve que ça a tellement perdu en saveur. C'est un peu comme Daft Punk, tu vois. Si tu le voyais sans les masques, bah, c'est pas Daft Punk, en fait. Daft Punk, c'est les masques. Alors, moi, je me suis un peu bagarré, et je me bagarre toujours, c'est pour ça que c'est pas filmé. Et tu vas me dire, ouais, on le voit sur scène. Ah mais sur scène on ne voit pas comme on l'aurait vu dans l'interview. Tu vois, avec ce t-shirt là, la casquette en bordel, un peu mal rasé, machin. Tu rentres dans l'intimité en fait quand tu me filmes. Tu vois. Donc du coup en fait c'est toujours une bagarre. Déjà moi je voulais pas qu'il y ait mon nom en fait. Et puis c'est un journaliste de merde sur Télérama qui a balancé mon nom. Donc du coup ça s'est retrouvé sur Wikipédia. Donc après c'était mort. Tu vois, donc les journalistes tu leur dis de pas faire des trucs, ils le font quand même. Donc des fois, tu vois, moi je pense que le problème c'est pas forcément les réseaux sociaux en fait au final. Si tu dis aux gens on joue le jeu ou pas, et en fait le journaliste lui s'en fout, ce qu'il veut c'est avoir une excuse que les autres ont pas. Donc ça va être en demandant mon nom par exemple, ou en le publiant. Le gars je l'ai au téléphone, je lui dis de pas le faire, il le fait quand même. Et comme je lui dis de pas le faire, il le met trois fois dans l'article mon nom. Je dis en fait tu te fous ma gueule, tu vois. Donc c'est pas évident, et moi garder l'anonymat déjà c'était pour essayer d'être un peu peinard, et puis deuxièmement c'était justement, t'as très bien résumé le truc, c'était pour que les gens se disent waouh mais c'est quoi ce truc, c'est qui fait ça, machin, etc. qui est une espèce d'interrogation autour, tu vois, qui fait qu'après chacun se crée un petit peu, bah, je sais pas, quand tu vas voir un film t'as pas envie de voir en fait les mecs qui tiennent les perches, les cadreurs, les décors en fait, t'as envie de rêver, tu vois les filles qui tiennent les vaisseaux. Alors pourquoi pour les groupes ça pourrait pas être pareil, tu vois. Et en fait, ben, t'as toujours un gars qui se croit plus malin que les autres et puis qui casse tout ça. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est un peu passé dans mon genre. Donc après on avait dit, enfin on avait des trucs où on disait, mais attends, mais maintenant les gens ils savent quelle date t'as puisqu'ils te voient en concert. Non, en concert, un gars, tu vois, barbu avec des lunettes, et puis des lumières qui tombent. Voilà, donc ils savent toujours pas. Et si toi tu me prends là en photo dans cette loge un peu dégueulasse et tout, puis que pour ton truc, en fait ça te donne quelle vision de moi au final ? C'est plus la même que celle sur scène. Tu vois ? Donc il faut toujours un peu se bagarrer. Pour faire rêver un peu les gens, quoi. T'as pas envie de voir Brad Pitt se gratter le cul le matin, en fait. Tu vois, Brad Pitt, il est pas fait pour ça, quoi. Je me compare pas à Brad Pitt, je vais voir ce que j'ai dit. Mais si tu veux rêver, tu peux pas voir un mec qui pue de la gueule, un Brad Pitt qui pue de la gueule quand il se lève, qui balance un gros P, tu vois, et voilà. C'est pour ça qu'il y a pas de caméra chez les gens, en fait. Si tu veux mon point de vue, je pense que les groupes, à l'heure actuelle, ils se sentent, si tu veux, un peu obligés. Ouais. Ils se sentent obligés, ils se sentent enfermés dans le besoin justement de publier une actualité permanente, quelle que soit l'actualité ou le niveau de qualité de ce qu'ils proposent. Moi je suis parti du principe, si j'ai rien à dire, je dis rien. Tu vois, on écrit pas un bouquin quand on a rien à raconter. Donc moi j'ai rien à dire, je dis rien. Et puis si j'ai un truc à dire, c'est le plus succinct. Succinctement d'ailleurs, comment ça se dit, voilà, possible, c'est-à-dire j'en fais pas des kilomètres, ouais je suis trop heureux, j'espère qu'on va tous se retrouver au Hellfest samedi dans la main stage pour danser comme des oufs. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait. T'es fait, tu, à la limite tu mets juste l'affiche, en fait ça suffit, genre c'est pas débile, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça qui moi me font chier dans la promo, dans les réseaux sociaux, dans les trucs, et j'ai pas l'impression en fait de perdre du monde parce que je le fais pas. En tout cas, les gens que je gagnerai en le faisant, ce sont peut-être pas des gens qui m'intéresseraient d'avoir, toi, dans mon chez-tel. Une dernière question pour ce soir. Est-ce qu'on se voit demain, sinon ? Non, ah. Malheureusement. Alors, ouais, alors en tout cas, Lever Terror étant sorti il y a un an, ouais, environ. Le 1er avril, figure-toi. Ouais. Donc, quand pouvons-nous attendre la sortie du troisième opus de la trilogie ? Eh ben, pas, à mon avis, pas avant 2025. Et si c'est avant, bah tant mieux, mais ça m'étonnerait. Parce que la tournée va continuer. Bah, il y a toujours des trucs, ouais, des tournées, machin. On n'est pas à l'abri, tu vois, qu'on nous propose une première partie sympa, et puis qu'on se dira un peu par fusée, donc tu repars pour un mois, t'arrêtes tout ce que t'as en chantier. Et puis après, il y a aussi, faut trouver la bonne idée, tu vois, la bonne ligne directrice pour commencer l'album. Des nouveaux sons, parce que comme du coup, moi comme je fais quand même un peu de musique électronique, malgré tout, il faut que j'arrive à trouver une nouvelle sonorité globale pour le prochain album, ça ressemble pas à ce que j'ai fait avant. Ça en renouveler un peu. Bah, c'est un peu comme un mec qui changerait ses guitares ou sa batterie, tu vois, pour un son plus ceci ou moins cela. Donc, bah, pareil dans les sons de synthé aussi, trouver des nouveaux trucs. Donc, tout ça prend du temps, j'ai pas envie de me précipiter. De toute façon, en fait, tu sais, les gens aussi, c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens, en fait, si toi, tu veux pas qu'ils rentrent dans ton intimité, des fois, tu rentres quand même dans la leur, en fait, parce qu'ils te posent des questions et tout. « Ah ouais, moi, j'ai bien aimé, machin. Quand est-ce que c'est le prochain album ?» Mais man, en fait, je viens de sortir il y a 3 jours, là, celui-là, déjà, en fait, je peux pas non plus faire que ça, tu vois. Il y a un gars qui mettait sur la vidéo de YouTube du Hellfest, parce qu'évidemment, je regarde quand même un peu au début. Je pensais pas que je la verrais un jour cette vidéo, je pensais qu'il la ferait pas. Bah, je vais la regarder puis je verrai si j'achète des tickets ou pas. On s'en fout même. Et tu vois, en fait, du coup, c'est vrai que les gens ils sont toujours un peu en demande que tu fasses des trucs ou que. Et en fait, si tu. Alors là, pour le coup, si tu les écoutes, t'es tout le temps en train de produire quelque chose. Voilà. Et moi je peux pas aller vite, je peux pas produire un fond à caisse comme ça parce que ouais tu sais, t'as vu, il y a pas mal de gens qui attendent, ça fait déjà un an, ça serait peut-être pas mal que tu ressortes un truc et tout. Voilà quoi, tu sais, il y a des albums, tous ils ont 13 ans, tu vois, pour faire un album. Alors, j'ai jamais dit moi aussi. Ouais, tu vois, qui a mis je sais pas combien d'années, qui a coûté des millions, qui était nul. Non, en fait, ça sort quand ça sort, et puis en attendant, bah, putain, je crois qu'il y a suffisamment de trucs à écouter quand même. On se fait plaisir. Et puis tu sais, malgré tout, j'ai fait un morceau qui s'appelle Turbo Killer, j'ai l'impression que je pourrais faire 50 albums, la majorité des gens, ils restent focus sur celui-là. Donc tu vois, ils peuvent faire non plus, ils peuvent toujours écouter Turbo Killer, qui est un très bon morceau, j'aime beaucoup. Ok, bah écoute, super. Bah écoute, si t'as fini, on se retrouve sur la scène du plein air, un peu plus tard. Vers minuit... 5, figure-toi. Minuit 5. Yes, encore une fois, merci à l'équipe du Plein Air Fest, merci à Franck B. Carpenter de nous avoir accordé cette fantastique interview. Vous venez d'entendre le morceau Turbo Killer dont le gars nous parlait juste avant. Voilà, encore une belle interview sur ces festivals de l'été. On continuera dans les semaines qui viennent avec Nightmare, avec Steven Seagals, avec Biohazard, avec Dieff, avec d'excellents groupes également qui ont été pris en interview sur la scène de, du Motocultor Festival de Bretagne qui était absolument fantastique. Hélène, maintenant Hélène et non pas les garçons, We Shall Remain, ça sort sur Atomic Fire Music et on s'envoie le morceau Stand By The Flame, un côté symphonique mais assez dark en même temps, une superbe production également. Yes, le groupe Helen avec Stand By The Flame, extrait de cet album We Shall Remain. C'est bien sûr sur Overdrive Radio Dio, il est 22h passées de 30 minutes. On va continuer avec un autre groupe suédois qui s'appelle Sira, qui est signé sur Nuclear Blast, qui nous sort cet album The Vertigo Trigger, Let's Have My Story Told, sur lequel on retrouve le guitariste Huge Valo Virtua, sur lequel qui a un studio d'enregistrement. Donc bien entendu, on a ici à faire une très bonne production. Let's Have My Story Told par le groupe Sira. Yes, Sierra, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Et on débute maintenant dans une sphère différente avec du Doom et le groupe Tumulation qui nous sort cet album sur Hammer Art Records. Ça s'appelle Haunted Funeral Creatures, tout de suite. Et le morceau Astral Sickness, c'est bientôt dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Tumulation maintenant, Astral Sickness, et on va continuer avec du death metal largement plus technique et direct. Ce sera The Zenith Passage tout de suite avec Algorithmic Salvation, et ce sera encore une fois dans Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre The Zenith Passage avec Algorithmic Salvation. Encore une fois, un morceau super technique sur lequel le groove fait vraiment des merveilles. On va revenir maintenant aux brésiliennes de Crypta, enfin plutôt maintenant groupe international bien sûr, fondé par l'ancienne bassiste chanteuse du groupe Nervosa, et qui nous revient avec son nouvel album, et ce sera le morceau The Other Side of Anger, tout de suite Crypta, du coup sorti sur Napalm Records. Oh, Yes, vous venez d'entendre le groupe Crypta avec The Other Side of Anger tout de suite sur Overdrive Radio Dio. Et maintenant, on va se dire au revoir sur une note un peu plus triste. Et on va souhaiter encore une fois un bel hommage au guitariste Bernie Marsden qui nous a quitté aujourd'hui même à l'âge de 72 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bernie Marsden, il était guitariste du groupe Whitesnake sur la première partie de carrière, c'est-à-dire sur les albums qu'il y a avant 1987, bien entendu sur la période la plus on va dire anglaise du groupe, avant que groupe de David Coverdale n'écrive tout les hits qui ont ravi ensuite MTV, etc. À cette époque-là, Whitesnake était une extension de Deep Purple. On retrouvait un très grand nombre de musiciens qui participaient au Pourpre Profond, notamment Ian Paice à la batterie, également John Lord au clavier, et bien entendu David Coverdale qui était là sur le line-up de Burn en compagnie de Glenn Hughes. On retrouvait également une superbe paire de guitaristes, Bernie Marsden et Mick Moody, ainsi que le bassiste Neil Murray. Donc voilà, superbe série d'albums, un album comme Love Hunter, Ready and Willing, ce sont des classiques intemporels. Et si vous aimez tout simplement Deep Purple, rejetez-vous sur la première partie de carrière de Whitesnake, qui n'est pas forcément la plus connue. Quand on parle souvent de Whitesnake, on pense à Still of the Night, qui sont bien sûr d'excellents morceaux. Voilà, on va passer un petit hommage à cet excellent guitariste qui était tout plein de feeling. Ça s'appelle Walking in the Shadow of the Blues. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle le facebook.com/overdrive radiodio, avec bien sûr les podcasts des émissions, quelques petites photos de concerts et sur les pérégrinations des différents festivals auxquels j'ai eu la chance de participer. Bref, plein de choses cool, les liens Mixcloud et des podcasts également. Donc on se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 895 de Radio Dio pour de la musique qui pulse. chacun.